pas très loin, je veux m'en aller, m'en aller. Moi j'écris toute la nuit, je suis gazé toute l'année. À la tête ça va trop vite, tu fais rien, fini condamné. Comme d'hab, mes leçons à balle. La nuit je fais le tour de la ville, je suis défoncé de la veille. La khira, jibi, la tête. Très loin, je veux m'en aller. Tu comptes sur tes potos, mais viennent pas te voir au palais. En galère, y'a personne. T'as beau pleurer, t'as beau crier. C'est ça les rats, c'est ça les mains qu'on est grillés. Moi, je vois très loin, je veux m'en aller. Tu comptes sur tes potos, mais viennent pas te voir au palais. Plein de soucis, c'est quand que ça va changer. Plein de coups en crête, tu te sens qu'on veut se venger. C'est une fois dedans, mais l'autre tu veux te ranger. Certains vivent tranquilles, d'autres chassent le danger. Pas de oh, y'a pas de plan B. Pompiers, on m'accuse, mais j'ai des dossiers à ce bagra, qu'est-ce que vous dites? Fais ce ram, genre, tu donnes ta chatte pour manger. Une grosse race bas, et puis on se taille à l'étranger. Malgré ce qui se passe, moi, je veux m'en sortir. On est au quartier, viens voir, on vit le pire. À peine 15 piges, des petits ici sont déjà endettés. Ça se fait la guerre, ça sort les armes, n'en aucun respect. C'est par nécessité qu'ici on se lève si tôt. Moi je vois très loin, je veux m'en aller. Tu comptes sur tes potos, mais viennent pas te voir au palais. En galère y'a personne, t'as beau pleurer, t'as beau crier. C'est ça les rats, c'est ça les mains qu'on est grillés. C'est le 6-9.